Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 17 juin 2022. Voici les grands titres de cette édition. Le secteur de la recherche et de l'innovation devrait être pourvu d'un budget allant de 1 à 5% du produit intérieur brut. C'est une des propositions faites ce jeudi par des chercheurs à la clôture des États généraux de l'éducation ce jeudi. Reportage à suivre dès le début de ce journal. Et l'âge de la retraite pour tous les fonctionnaires de l'État est fixé à 60 ans et ainsi en a décidé le Conseil des ministres de ce mercredi qui a adopté le projet de loi portant révision du statut général des fonctionnaires. Vous entendrez les explications du porte-parole et secrétaire général de l'État. La plupart des représentants des coopératives de transformation agroalimentaire de Guitéga et Karoussi réclament la réduction des tarifs pour l'obtention des licences d'exploitation étant donné que la plupart travaillent dans la clandestinité. Notre correspondant sera en ligne de Guitéga pour les détails. Et dans le reste de l'actualité africaine, les autorités tanzaniennes lancent un programme de relocalisation volontaire des communautés Maasai vivant depuis plus d'un siècle dans le cratère de Ngorongoro. Elles estiment que cette population croissante est devenue une menace pour la faune sauvage. Voilà pour les grands titres. Isanganiro, la radio de l'avenir. Rebonjour. Le manque de moyens financiers et du cadre légal sont des défis qui entravent le secteur de la recherche et l'innovation au Burundi, déplore Salvatore Kaboneka, professeur à l'Université du Burundi. Lors du dernier jour des États généraux de l'éducation ce jeudi, Dr Bonaventure Minani, quant à lui, proposait plusieurs solutions, dont l'allocation à ce secteur de 1 à 5% du produit intérieur brut du Burundi. Les détails avec Vestine Boutoy. Lors des états généraux de l'éducation, des défis qui entravent la recherche et l'innovation au service du développement du Burundi ont été soulevés. Le professeur à l'Université du Burundi, Salvatore Kaboneka, évoque le manque de moyens financiers et l'absence de la culture de recherche au Burundi. Nous avons une capacité scientifique et matérielle limitée. Mais il y a absence de politique en sciences et technologies et innovation. Défi majeur, absence de coordination de la recherche au Burundi. Chacun est pratiquement dans son terrain, dans sa chambre. Il fait ce qu'il fait, on ne sait pas ce qu'il fait, il rend compte à qui. Ça, c'est une chose. Absence de législation appropriée. Il n'y a pas de cadre légal et institutionnel. Il n'y a pas de culture de recherche ici au Burundi. Et ceci impacte la qualité et la quantité du personnel scientifique. Pour trouver la solution à ces défis, Dr Minani Bonaventure, spécialiste en agroéconomie et professeur à l'université d'Ngozi, propose plusieurs alternatives, par exemple la création d'une commission nationale indépendante chargée de la recherche et de l'innovation, ainsi que l'allocation à ce secteur de 1 à 5% du produit intérieur brut du pays. Il faut créer un fonds national de la recherche et qui se fond avec une commission nationale de sciences et technologies qui devrait utiliser ces fonds et donner des orientations stratégiques. Et là, quand le pays définit les stratégies de développement en matière de la recherche, c'est que il va s'appuyer maintenant sur le fonds de la recherche. Dans le fonds national de la recherche, il y a une mobilisation. Nous avons dit qu'il faut mobiliser les fonds internes, c'est-à-dire que la contribution de taxe sur la valeur ajoutée au niveau des entreprises, le pays devrait payer au moins 1 à 5% des recettes nationales. Le gouvernement devrait contribuer aussi au niveau de son fonds pour la recherche. La plupart des recherches faites au Burundi dépendent de financements externes, ce qui fait que ces recherches restent sous l'emprise du financier au lieu d'être au service du développement du pays. Vestine Boutoui qui a suivi pour nous ces états généraux de l'éducation qui ont été clôturés ce jeudi. Je vous le disais dans les titres, le projet de loi portant révision du statut général des fonctionnaires a été adopté par le Conseil des ministres tenu ce mercredi. Prosper Naourouami, porte-parole et secrétaire général de l'État, indique que le nouveau statut général des fonctionnaires tient compte de la nouvelle politique salariale équitable. Il a été recommandé de placer l'âge de la retraite à 60 ans pour tous les fonctionnaires de l'État. Suivez le porte-parole, le porte-parole et secrétaire général de l'État. Les principales lacunes identifiées de l'actuel statut général des fonctionnaires sont les suivantes. Il ne tient pas compte des prescrits de la nouvelle politique salariale. L'actuel statut dit général ne l'est pas en réalité en raison de l'existence des dispositions particulières applicables au secteur de l'enseignement et de la santé qui forment à eux seuls plus de 90% des fonctionnaires de l'État et qui ont contribué à fragmenter la fonction publique en groupes concurrents pour l'obtention d'avantages particuliers. Il ne tient pas compte de la politique de gestion des performances dans le secteur public adoptée par le gouvernement en 2014. Comme principales innovations, le nouveau statut général des fonctionnaires tient compte de la nouvelle politique salariale équitable, supprime les dispositions particulières applicables au secteur de l'enseignement et de la santé, met en avant la performance telle que définie dans la politique de gestion des performances dans le secteur public, améliore le système de notation en généralisant l'évaluation des performances, supprime toutes les primes et indemnités actuellement existantes qui sont remplacées par la part emploi dans la rémunération. La rémunération d'un fonctionnaire est donc uniquement composée de trois éléments pertinents et d'un complément ponctuel lié au mérite. Les éléments pertinents sont une part indiciaire ou salaire de base, une part de rémunération liée à la cotation de l'emploi occupé par emploi et des allocations familiales liées à la situation personnelle du fonctionnaire. Le complément ponctuel est représenté par une part performance liée au mérite individuel conformément à la politique de gestion des performances dans le secteur public. Après analyse, le Conseil des ministres a reconnu l'urgence de la promulgation de cette loi en vue de rendre effective la politique salariale. Il a été adopté et ce projet a recommandé ce qui suit. Placer l'âge de la retraite à 60 ans pour tous les fonctionnaires de l'État. Rappeler à toutes les institutions de l'État que les contrats de performance doivent être signés avec l'année budgétaire 2022-2023. Élaborer la version Kirundi du projet de loi. Prosper Nahorgwami est porte-parole et secrétaire général de l'État. La politique de redécoupage territorial a été bien accueillie par le candidat indépendant au poste de président de la République lors des élections de 2020. Francis Rohero indique que cette politique était parmi ses priorités. Il demande que le gouverneur de ces nouvelles provinces soit nommé dans la transparence. On l'écoute. C'est une bonne décision qui vient d'être prise par le pouvoir de Gitega. Je crois qu'ils ont pris assez de temps pour penser, pour imaginer en quoi cela peut être utile à la nation burundaise. Je soutiens la décision pour des raisons personnelles, parce que moi-même j'avais proposé cela. Et je suppose que ça ne va pas être une décision juste folklorique ou une décision de campagne, mais je veux que ce soit une décision qui a été prise par conviction pour que notre Burundi continue à avancer. C'est une occasion pour que je dise au peuple burundais dans son ensemble, pour moi être un homme politique, c'est pas de lutter pour avoir de la force, c'est pas de lutter pour entrer dans un gouvernement quelconque, c'est pas de lutter pour être connu, mais c'est plutôt d'influencer le développement de la nation de façon positive. Et je crois que ici, tout le monde est d'accord, ma proposition fait l'honneur de mon groupe, l'honneur de tous ceux qui croient au mouvement Orange et tout ce qu'on a fait depuis 2006. Ici particulièrement, je suis fier de moi et je veux que les gens comprennent que demain, après-demain, on continuera à penser, on veut arriver à faire de ce pays un havre de paix, quelque part où les gens pensent et se soutiennent, où les idées se partagent entre populations, entre partenaires. Et il faut qu'on arrive à comprendre qu'être un homme politique au Burundi, ce n'est pas exceller dans le mensonge, dans les injures, mais c'est être capable de produire des idées que n'importe qui pourrait utiliser, même si les auteurs ne sont pas là nécessairement. Francis Rohero, candidat au présidentiel de 2020. Rappelons que les provinces sont réduites désormais de 18 à 5 et les communes de 119 à 45, tel que l'a décidé le Conseil des ministres. Il est 13h05 à Bujumbura et sur Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. La plupart des coopératives de transformation agroalimentaire travaillent dans la clandestinité à cause du manque de licences d'exploitation. Révélation faite ce vendredi par le chargé des industries au ministère en charge de ce secteur à Gitega, dans un atelier de 2 jours à l'intention des représentants des coopératives dans les provinces de Gitega et Karoussi. Certains de ces derniers réclament la réduction des tarifs pour l'obtention des licences d'exploitation. Arthur Kawaushi, en ligne de Gitega. Selon le chargé des industries et des coopératives au ministère en charge des industries, Marc Mbacha, la plupart d'entre elles qui sont dans la transformation agroalimentaire travaillent dans la clandestinité, cela doit cesser. Les coopératives, la plupart d'entre elles ne remplissent pas les conditions d'être classées dans le secteur formel, puisque souvent on rencontre des produits n'ayant pas de bonne qualité et ces produits on peut les rencontrer sur le marché local. À ce moment-là, nous interpellons à ces coopératives d'aller appliquer la formation récite aujourd'hui dans cet atelier pour respecter les normes. Cependant, au sein des industries coopératives, ils disent que cela est dû aux tarifs élevés exigés pour l'obtention des licences d'exploitation. Edison Ngabire, représentant la coopérative de transformation de la banane en sucre de Gitega, demande à l'État de revoir à la baisse ses tarifs. Nous souhaitons être appuyés, surtout par le gouvernement, pour des entreprises qui sont en phase de démarrage parce que ce sont deux objets qui sont importants dans la production et ils sont chers lorsqu'on est dans la démarche de recherche de ces facteurs. Au ministère en charge des industries, ils font savoir qu'ils sont préoccupés par les produits transformés et qui sont sur le marché sans étiquette montrant l'année de fabrication et celle de péremption. Depuis Gitega, Tukavaushi, Radio Sanganiro. Merci Arthur. Vous saurez que les commerçants qui ont des produits qui ne remplissent pas les normes sur le marché seront punis. C'est le directeur général du bureau burundais de la normalisation BBN qui l'a dit lors d'une conférence de presse ce vendredi. Sindai Kengela Severin a donné les exemples de ceux qui vont subir des sanctions, notamment les stations qui distribuent les quantités insuffisantes à la pompe et les sociétés de production qui vendent des produits qui ne répondent pas aux normes. Il demande aux commerçants qui veulent exporter leurs produits de saisir cet organe pour qu'il les rapporte du soutien. Et le ministre de l'Environnement, Agriculture et Élevage, l'invité au palais des congrès de Kigobe, explique aux députés le contenu des projets de loi portant ratification d'un don de 10 millions de dollars américains du FIDA au Burundi. On l'écoute, il est traduit par Omer Ndouayo. Nous avons décidé que ce don additionnel soit utilisé dans les travaux de lutte contre l'érosion, protection des montagnes et l'aménagement des vallées. Ce don de 10 millions de dollars américains va aussi appuyer dans l'aménagement des pistes de desserte. À part ces projets, vous savez que le projet d'intensification de la production agricole et de réduction de la vulnérabilité est en train de multiplier les productions en gardant et en conservant les récoltes dans des hangars. Ce projet s'implique également dans l'élevage du petit bétail, les porcs et les chèvres. Le FIDA voulait insérer ce don additionnel dans son projet PIPAR VB, mais les conditions posées par le gouvernement stipulent que tout don ou assistance doit être officiel. C'est ainsi que, pour que cette somme de 10 millions de dollars soit insérée dans ce projet en cours, le gouvernement compte sur vos réactions pour bientôt démarrer les travaux. C'était le ministre en charge de l'Environnement, Agriculture et Élevage. Et la population devrait être informée sur la gestion du budget de l'État pour parler de transparence dans sa planification, d'après Gilbert Niongawo, directeur du Centre universitaire de recherche pour le développement économique et social, CURDES. C'était ce vendredi lors de la présentation des résultats de l'enquête sur le budget ouvert édition 2021. Il a dit que lors de l'exécution du budget, la participation publique permet aux citoyens d'être directement impliqués dans les débats publics sur l'exécution l'exécution du budget. Il a en outre signalé que l'enquête sur le budget ouvert a pour objectif de conscientiser sur la transparence budgétaire. Et vous saurez qu'une quarantaine de sociétés ont reçu des certificats temporaires de conformité de la part de l'Agence de développement du Burundi, ADB, et cela de janvier 2018 à juin 2019. Selon le rapport de cette agence, plus de 1800 emplois ont été créés sur plus de 4000 prévus. Et pour les investissements au Burundi, l'ADB vient d'initier une politique de substitution des importations. Mireille Kanyang. La balance commerciale au Burundi étant toujours déficitaire, l'Agence de développement du Burundi ADB estime qu'il faut augmenter la production locale en quantité et en qualité, dit Didas Ngendakumana, directeur général de cette agence. Il suffit que tous les producteurs augmentent la quantité de leur production en termes de quantité mais aussi de qualité. Comme ça, ils peuvent vendre localement mais aussi augmenter les produits exportés. Et l'ADB est à leur disposition pour les aider, les assister et les accompagner dans tout le processus de la production jusqu'à la vente ou l'exportation. Nous sommes prêts donc à faire tout le nécessaire pour appuyer les industriels fabriquant les différents produits dont le Burundi a besoin. Entre autres missions de l'ADB figurent le suivi et évaluation des entreprises, en particulier ceux ayant bénéficié des avantages accordés dans le cadre du Code des investissements. Lors de son contrôle régulier, l'ADB octroie également des certificats temporaires de conformité aux engagements. Durant cette période de janvier 2018 à juin 2019, l'ADB a octroyé 83 certificats à 41 sociétés qui en ont fait la demande avec un investissement de plus de 300 milliards de francs burundais. Quant aux emplois, plus de 1800 ont été créés durant cette période contre plus de 4000 prévus. Selon ce rapport de l'ADB, le budget de janvier 2018 à juin 2019 était de plus de 2 milliards de francs burundais, dont plus de 70% pour les salaires et avec un personnel chiffré à 51. Actualité internationale. Au Sénégal, c'est une journée tendue qui s'annonce au vendredi 17 juin. La principale coalition de l'opposition, Yewi Askanoui, appelle à une manifestation à Dakar. Elle entend de nouveau protester contre l'invalidation de sa liste nationale menée par Ousmane Sonko en vue des élections législatives du 31 juillet 2022, un rassemblement qui a pourtant été interdit par la préfecture. Le chef de l'État lui a appelé au respect scrupuleux des dispositions du code électoral. Face à cette impasse, l'association des imams et oulémas au Sénégal exprime ses inquiétudes et évoque l'option d'un report des élections. Et plus proche de chez nous, en Tanzanie, une vingtaine de familles Maasai ont quitté ce jeudi 16 juin la réserve naturelle de Ngorongoro sur les 296 qui ont accepté d'aller vivre dans la région de Handeni, à 600 km au sud, affirme le préfet de la région d'Arusha, John Mongela. Bien que vivant depuis plus d'un siècle dans le cratère de Ngorongoro, les autorités tanzaniennes estiment désormais que la population croissante des communautés Maasai est devenue une menace pour la faune sauvage et lance un programme de relocalisation volontaire. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci également à Séraphine et Hakizimana qui a repris la relève à la cabine du son au micro Jean Bosco Nduimana. Passez une très bonne journée. Il est 13h15 à Bujumbura et sur Isanganiro.